que des mères. J'arrive qu'à couler, mettez-vous à terre. On est trop déter. Man de fils de pute, ça y est, c'est la guerre. Qui c'est moi au volant du Panamera. Si tu as trahi, on le sera. J'arrive comme Jenny dans la Comora. Moi j'suis pas ton pote, moi j'suis pas ta pute. J'pourrais être ton père, petit fils de pute. Lève-toi à décalage, je vise le but. Suffit d'une calage, tu n'existes plus. J'ai des armes russes dans la mégane. J'bois de la russe avec Chetan. Wesh, alors t'as parlé de la team. On va te finir à la chevrotine. Gante, pour mes trafiquantes. Ho, pour mes frères qu'ont pris des années et du mandat de dépôt. Ho, ho, j'suis en I, j'veux me tailler. C'est grave, on traîne, ça me taille. Tout ça, mais on s'en fout que tu fasses de la taille. Toi, tu fais le gros, mais tu banques en détail. Gante, pour mes trafiquantes. Ho, pour mes frères qu'ont pris des années et du mandat de dépôt. Ho, ho, j'suis en I, j'veux me tailler. C'est grave, on traîne, ça me taille. Tout ça, mais on s'en fout que tu fasses de la taille. Toi tu fais le gros mais tu banques en détail. Vodka pur sa mère la pute. Tu t'emprêtes la grosse bavure. 9-0 c'est qu'elle est dure. 9 milites à la ceinture. Et ouais ma team c'est barré platine. J'prends le golf en buvette et j'patine. Fais pas la star, j'ai niqué ta cousine. Je vais baisser la France comme Sarkozy. Arme de guerre, Vladimir Poutine. Gros cigare cubain, ça sent la vanille. Mais vas-y, cambre-toi, faut pas j'm'ennuie. T'es pas un homme, pas bas d'honneur. J'vois les chemises, leur fin doigt d'honneur. Tu fais le voyou, mais tu gagnes d'honneur. Je rigole pas avec vous, le con de vos mères. J'arrive au niveau de ta vie, ça y est, c'est ton heure. Ils m'en foutent ma vie, le jour où l'autre on meurt. Les rues de ma vie, je les connais par cœur. Des billets pour tout, je suis champ par terre. Faut que je ferme la gueule des fils de pute qui veulent ma peau. Je veux le beurre, l'argent du beurre et le cheval cabré sous le capot. Nique ta grand-mère, je suis pas les gens. Moi, je suis pas le capitaine capot. On est dégueu, ok, mais sachez bien que les vrais ne parlent pas trop. Tu fais le voyou, t'es pas le patron. Reste tranquille si t'as pas l'âge. Tu sous-estimes les petits. Donneur NT Max, c'est une calage. Gante, pour mes trafiquantes. Ho, pour mes frères qu'ont pris des années et du mandat de dépôt. Ho, ho, j'suis en I, j'veux me tailler. C'est grave, on traite, ça me taille. Tout ça, mais on s'en fout que tu fasses de la taille. Toi, tu fais le gros, mais tu banques en détail. Gante, pour mes trafiquantes. Ho, pour mes frères qu'ont pris des années et du mandat de dépôt. Ho, ho, j'suis en I, j'veux me tailler. C'est grave, on traite, ça me taille. Tout ça, mais on s'en fout que tu fasses de la taille. Toi, tu fais le gros, mais tu banques en détail.